sonnée et vulgaire. Il parle avec les intonations du patois bourbonnais. Je suis à Montluçon. Petit que Clermont, pourtant j'y suis bien. Pas de diamant, plus de charbon, pas d'or ni de pétrole. Juste Bréa et la Sagène, d'un lope à Miss, co et fils. Montluçon bourbonnais, Montluçon. À Montluçon, cité industrielle du secteur secondaire. Parmi les artisans, on y trouve des maçons. Et puis il y a les enfants qui prennent les vieux pour des cons. Bienvenue les couvreurs, les plombiers, peintres et carreleurs, les marbriers. Matériaux fournis par Pointet et les autres. Et rien à Montluçon en bourbonnais, Montluçon en bourbonnais, Montluçon en bourbonnais, Montluçon en bourbonnais. Allez, Montluçon en bourbonnais, Montluçon. Pâté aux patates, ça ne serait pas vraiment le bourbonnais. Donc, un pâté aux patates pour 6 personnes nécessite 20 minutes de préparation pour une quarantaine de minutes de cuisson. Pour un pâté aux patates, il faut 2 pâtes brisées, 6 petites patates, un peu de beurre, 20 centilitres de crème fraîche, un œuf, selon votre convenance, du sel, du poivre, du persil, des échalotes ou des oignons. N'oubliez pas le canard. Ah non!